Ok ma gueule, prends du recul car c'est violent. Quand c'est la rue qui parle, c'est ce gitan qui vous encule. Moi j'ai plus le temps de rester calme. Ma putain de rage, plus le bitume, la cape et le sky foncé par habitude, MC nocif au flow qui mitraille. Assez trop speed pour que les petites putes ne me stoppent pas. En gros je t'explique, on arrive en balle donc MC inquiète-toi. L'avenir risque de rendre les rues plus hard aujourd'hui. Lâche-te pas de ce que j'habite, tes masses et l'hémorragie. Mon rap saigne car mon vécu a trop de blessures. J'pense plus c'est foutu mon futur, manque de points de suture. J'me vide de mon son avant de quitter ces lieux. Dans des trucs de sang, moi j'passe mon temps à mes skis les pleux. Les gyrophares éclairent l'ennemi que j'passe dans le sponsor. Avant de me la chape, j'en place une pour mon frère au star. Aïe, un sauce de dingue. Association de dingue. Mon flow choque, j'en ai rien à foutre, j'me drogue, oui, shit, mon antidote. J'fais de l'argent sale, j'traîne une lame qui tranche ta putain carotide. Mes lyrics shoot comme un Glock, mets des KO vite, fuck vos stéréotypes. Mets à fond la stéroïde trip, un truc gros comme style, un ice théorite. Pète à la gueule comme un météorite, arrête cette merde, mec, une théorie. T'arrasse la putain, un appel à être, c'est théorique. La France a fait de moi aux yeux du monde une carrière à un terroriste. Ma voix, un colo à mes yeux n'a rien d'héroïque. T'es à bout, n'est respire. Ça te rend ironique, frère est dans les films clés ironiques. Shotagen, ODT, Flow Master, la sigle prototype. T'es pas de fils de porno, doué de lyrique, silicite comme cette putain de top. Putain, j'en ai ras le cul, tous ces raclos qui jouent les raclures, leur rapu. Mais t'inquiète, grâce à moi, mec, y'en aura plus. Disque de la merde, je crois qu'ils ont assez parlé. C'est vrai que je me suis dévoué, mais juste pour passer le balai. Moi, je suis direct, je t'en parle tel quel. Mets-toi à l'aise, roule un sbire et prépare tes deux packs Dan Kane. Je suis un artiste à part entière, mais bon, je touche pas d'oseille en parenthèse. Mais je vais partout, je suis pas wanted. Sois le bienvenu, frère, je t'invite dans mon train de vie. Faut du sevi et de la tchatche pour serrer plein de filles. Toujours être au top, casser des bouches comme gros cop, jamais perdre. C'est cool devant un gros corps. Faut faire du pif et le mettre au coffre. Toi tu renifles, t'as trop de morphes. Tu restes là à attendre le croque-mort. J'avance dans le noir car le tout puissant guide mes pas. J'avoue que j'ai pas toujours été droit, donc provoquer les m'épargne. DJ Pubs NYC. Les Ulysses, oh, à l'ancienne, oh, et toi,